Koloe suhail batek ilan, asei buztan itxua ikilan dugu Pampako belarra. Hainbat esteietan apaingarri gisa ikusten ahaldena. Alta, kaltegarri da, Johannis Tarzuna apurtzen baitu. Igan martxuan Frantzian espezie inbazibo gisa ezagutuk izan da. Eta horrek, zer suposatzen dian kuntatzen daiku Anabel Tiri eskualdeko espazio naturalaen behaketakuak. Interdiction vis-à-vis de toute activité liée à cette plante. Donc, la détention de cette plante est interdite, la commercialisation de cette plante est interdite, l'utilisation et la propagation en milieu naturel de l'herbe de la pampa est interdite. Bada haste zumbait sentsibilizatze kampaina bat jamaiten dila, ezen oaida lanta ehoren hedaduen mugatzeko tenoia. Nous avons quelques semaines, 3 semaines, avant que les graines potentielles de ces plumeaux soient matures et soient prêtes à être libérées dans la nature et donc à créer de nouveaux foyers de colonisation un peu plus loin. Hortako galtatzen die jenter, Pampako belarroien lilien mustia eta zikinuntzi batetan biltzia. Frantzian Atlantikoko itxasbazteretan bada, sustuta gehi, uduiala Europan gainti hedatuik da, salheska debekia hedatu behar belizate eskala horta. Elle fait partie de la liste des espèces exotiques envahissantes de France, comme je vous le disais. Mais on s'attend très prochainement à ce qu'elle soit introduite à la liste des espèces exotiques envahissantes à l'échelle européenne. Hoiko hola, lanta ebakotsak beste miluka hasi barriatu gabe, oaidia azken egunak hedatze horren trabatzeko.